Si mes au soir malos Marie, si mes au soir malos Marie, on va chercher nos aventures dans les coulisses de l'écriture. Ouais, j'ai bloqué. C'est une improvisation bloquée. En ce 6 mai, ma belle Josée, en ce 6 mai, ma belle Josée, on va se rappeler du temps passé, en ce 6 mai du mois de mai. Oui. Hey, vous savez que j'écris quelquefois des blagues, donc j'en invente. Lynn, t'es pas surprise, toi? On se connaît de plus en plus, là, puis une petite relation qui se tisse, puis le mariage sera annoncé sous peu. Même elle est figée. Elle parle plus, hein? Elle parle plus. Mais à part l'aînée, elle ne dit rien d'autre. Oh, je la bouche. Oui, j'invente des blagues et en voici une. Hey, il y a un doigt qui avance. Puis c'est encore pire. Il y a quelqu'un derrière. Aujourd'hui, le lundi. Croyez-vous que je devrais me retirer dans les inventions de blagues, dans les créations de blagues? Mais pas pire, tout le monde. T'sais, quelqu'un se place le doigt en avant. Il y a un autre qui passe qui dit « Hey, regarde, il y a un doigt, mais il y a quelqu'un en arrière. » T'sais, comme si... Non, je vais expliquer ma blague. Là, t'sais, comme si il y a un doigt, mais que derrière le doigt, il n'y aurait personne. C'est sûr que s'il y a un doigt, il y a quelqu'un en arrière. T'sais, la personne n'est pas trop connectée, là. Un jour, une nuit, dans notre vie, ça peut arriver qu'on ne soit pas connecté. On n'est pas obligé de se connecter aussi. On peut débrancher tout, mettre ça à zéro, se reformater pour mieux se recréer. Aujourd'hui, le lundi 6 mai 2024, le volume est la différence, car c'est parti. Mes amis, c'est carélien, c'est carélienne. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ring, c'est moi. Et il y a quelques années, je vous ai fait écouter, vous en souvenez plus, j'en suis certain, sauf si vous avez une mémoire de Rain Man. L'album Jame, J-E-M, pas Jane Birkin, Jame, J-E-M. Le titre du disque, là, ça a passé inaperçu, là, faites-vous-en pas. Là, c'est Finally Walking. Et j'ai fait jouer quelques titres. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire entendre d'autres musiques de ce disque que vous n'avez jamais entendu. OK, alors j'essaie de varier. Même si ça fait quelques années, on peut bien sur cet album-là, il y a combien de chansons? Parce qu'ils n'ont pas numéroté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, puis on va partir par la cinquième. Êtes-vous prêts à rentrer dans l'aventure? Avant que l'émission va décaper, ça va... Ah, l'anarchie, je la sens. Je l'ai fait cuire à 350 au four, avec des oignons. Toujours mes oignons, hein, toujours. Mais pas de spaghetti, non, c'était pas le temps. Et là, ben, êtes-vous prêt à délirer? Ben, excusez-moi, on recommence. Êtes-vous prêt à me laisser délirer? Délirer, délirer. Là, okay, attends, c'est pas le temps, c'est pas le moment. On y va. Avec ma chanteuse, Jame, que je vous partage, que je vous offre. C'est un joyau, un album extraordinaire. Je sais pas où vous pouvez trouver ça. Moi, je l'ai acheté dans une brocante. Hein? Même elle, la bloque dans une brocante. C'est génial. Thank you. 24 hours to tie your blue sense to make amends. His eyes said it all, I started to fall in the silence. Deafened, head spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Avance en arrière, toi. Ben oui. Bon. Installe-toi, assis-toi. L'autobus va partir. Tu vas tomber sur le derrière. Puis là, tu vas te réclamer. Puis quand tu réclames, tu fais beaucoup de travail, donc de bureaucratique pour pas grand-chose. Parce que c'est eux autres qui gagnent. C'est eux autres qui ont les meilleurs avocats. C'est pas toi, ma Georgette. Ben voyons. Donc, quand je t'ai marié, t'avais pas besoin de revendiquer. On dirait que plus tu vieillis, plus t'es sur la corde raide, plus t'es prêt à l'attaque, comme on dirait que tu deviens de plus en plus sauvage. Et je trouve pas ça dévalorisant. Au contraire, je trouve pas ça non plus négatif de ta part. Ça prouve que tu commences à connaître un peu la vie en société. Au début, t'étais un peu plus molle. Butterscotch molle. Oui. Puis là, mais tu t'es comme... Oui, t'es de plus en plus rigide. J'ai pas dit frigide, fâche-toi pas. Non, t'es rigide, arrête, t'es de plus en plus sensuel. Plus tu prends ton côté animal, plus je sens en toi quelque chose qui nous connecte, qui nous branche. Nous venons de l'animal. Tu le savais? Je te l'apprends pas. T'es pas dans la grande... révolutions, mais dans la grande... Comment vous dites ça, vous? Ouais, vous n'êtes pas dans la grande, là. On n'est pas dans les grandes divulgations. C'est écrit noir sur blanc dans tous les psychologues, les philosophes, les sociologues, tout ce qui finit en hog et puis en philosophie, en phi, puis tout le monde en phi puis en log vont te le dire. On est des, à la base, on est des animaux. C'est pour ça, des fois, hein, on est chien. Des fois, on est plus roucouleux. Hein, on ronronne, on se graffigne. Mais gentiment. Ben là, on peut aller dans le cannibalisme. Mais ben, les animaux, ben c'est sûr, pour vivre dans une brousse. Bruce Springsteen te le dirait. Hein, lui, il vit dans la brousse depuis le début de sa vie. Ben oui, Bruce Springsteen. Moi, j'ai toujours été drôle, hein? Oh, dans le sens de bizarre. Quand on s'est rencontrés au bingo, en 1900, ça c'était en 1900 quoi? Donc, 65, hein? Bingo 65, c'était ça, là. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas, ben, le bingo, c'est, ça n'a pas changé. Tu sais, c'est une carte avec des chiffres, puis un caller. Le caller, mais non, c'est pas un anglicisme, c'est la façon de parler du gars qui appelle les chiffres. Bon, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, là, mais c'est pas un terme là, négatif là, pour la francophonie. Non, c'est un caller. C'est B2. C53, ça se peut pas parce qu'il faut que ça fasse bingo. C'est B-I-N-G-O, OK? C'est I. Puis en plus, I-3, ça se peut pas. ID, quand t'en as une, ça se peut, ça. Puis t'en as tellement souvent. T'es une créatrice dans l'âme. Ah bon! On dirait que vieillir te donne une force. Vieillir comme le vin te donne une... Oui, exactement. Te ressource et te revampe à chaque instant. Ouais, minute à minute, jour par jour, minute par minute, jour par jour, heure par heure, mets-le dans le désordre, dans l'ordre, peu importe. Je te découvre autrement et je t'aime davantage. Ah oui, plus qu'il y a 30 secondes, parce que tu me fascines continuellement. Ah, c'est peut-être ça l'amour. L'amour, là, c'est pas quelque chose qui dure un moment précis. Le véritable amour dure toute une vie. T'es en train de pleurer, là? Non, ça t'en prend plus. Hein? Avant, ça ne te prenait pas grand-chose. Ma main sur ton épaule, tu vibrais, tu partais en sanglots. Tu te collais sur mon épaule, on s'embrassait, on faisait l'amour, on recommençait. Oh, c'était merveilleux. Aujourd'hui, non, on fait toujours l'amour. Moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est autrement. C'est aussi fascinant, c'est aussi... comment je pourrais dire ça, donc, dans des mots plus compréhensifs? C'est surprenant. Voilà. Et quand... Après 30 ans. Plus que 30 ans. Voyons donc, toi, on est malade. Presque 55 ans. Ben oui, j'ai perdu des bouts. 55 ans d'amour. Quand on se surprend mutuellement, c'est encore merveilleux. On s'en poussière pas. Hein? On se passe le plumeau. Juste pour nous faire rire. En dessous des aisselles, en dessous des pieds. Moi, c'est pour ça que je bégaye. Tu m'as passé trop de fois le plumeau. Sous les pieds. Puis, tu sais, il y a des psychologues, des sociologues qui disent que... Non, surtout les psychologues, les sociologues n'ont rien à voir là-dedans. Disent que ça n'a rien à voir, le bégaiement. C'est pas parce qu'on s'est fait chatouiller. Il y a plusieurs facteurs, mais c'est surtout cérébral. Il y a quelque chose, là, qui... Mais c'est vrai, c'est pas une blague. C'est un... Je sais pas si ça a changé, là, mais en 80... Fin des années 90, là, au début 2000, j'avais appris que c'était... Là, c'est plus... Non, c'est Renal Gagné, c'est plus un personnage. C'était quelque chose qui nous manque dans le cerveau. Là, il y en a qui sont contents. C'est pour ça que ça fait des émissions comme ça, hein? C'est comme ça, c'est pour ça! C'est pour ça! Oh! Continue! Peux-tu en enlever des choses dans ton cerveau? Ah oui, moi, continuellement... C'est à mes risques et périls, mais... Ah, tes risques et périls! Oui, à mes risques et périls. Et tranquillement, je périsse. Périssez-vous, vous aussi? Alors, dansons maintenant. Disappeared the moment you were gone. Alors, non, j'avais un début de... je sais que ça coinçait. Ça, vous avez senti que, oui, il y avait un arrêt? Bon, alors, je veux commencer une nouvelle ou une improvisation à partir d'une chanson de Jean Lapointe. Son album, c'est « C'est beau le monde ». C'est rigolo parce qu'en fait, il s'est trouvé tellement ridicule de faire cette pochette-là. C'est une lune, il est assis sur le nez de la lune et en pierrot. Donc, il y a des titres comme « Tu peux pleurer Pierrot »,« Tu chantes country », bien sûr. « Tout le monde crie en même temps »,« C'est beau le monde ». Ensuite, il y a toujours une porte. Et puis, je ne veux pas aller tout seul en haut, ça c'est magnifique. Monsieur Gazou, ah, oui, ça aussi c'est rigolo. C'est pour les enfants et les grands-enfants. L'enfant qui vient, en parlant d'enfants. Les danses sociales. Les danses sociales. Les danses aujourd'hui, ça donne à nas, ça donne à guerre. Ensuite de ça, je danserai. Donc, je pense que, je crois que je pense pas. Ah non. On réfléchit, mais on pense pas. Faut arrêter de penser. On se donne trop de... On se valorise trop avec ça. Tout a été pensé. Saviez-vous ça que tout a été pensé? T'as-tu pensé que la Terre était ronde? Tout le monde le sait que la Terre est ronde. Puis si elle est plate, change de compagne ou de compagnon. Hein? La Terre est plate, mais c'est sûr. Moi aussi, être avec elle ou avec lui, là, ça serait plate en Saint-Simon-Lac. Parce qu'être plate au Québec, là, parce que nous avons des auditeurs et auditrices qui ne sont pas de langue québécoise. Ben parce que, non, La langue québécoise n'existe pas, mais non pas le dialecte québécois, donc les expressions. Alors, ça fait partie de nos dialectes, ça. Ouais. Mais c'est tellement riche, le Québec, la langue française, la langue québécoise. Restez ici. Restez ici parce que vous êtes un fleuron. Vous êtes, comme je disais souvent, que je dis souvent et je radote encore, vous êtes un bouquet. On fait partie d'un bouquet et vous êtes rayonnant, rayonnante. Vous donnez un parfum autre qui n'existait pas avant. Pour les gens qui ont peur, ben, restez dans votre peur. Vous faites fausse route. Puis pour les autres, ben, effectivement, on peut être ensemble, heureux et se comprendre et se parler de notre pays. Même si c'est pas... je sais que le pays, c'est notre pays. Même si vous partez de loin pour venir nous voir, vous êtes dans le pays qui s'appelle le Québec, et toi, de la Côte d'Ivoire, toi de d'Afrique du Sud, du Venezuela, du Mexique, de Montréal, ceux de Montréal, ils sont désemparés, les gens de Montréal. Ils nous comprennent pas. Ils viennent en ville, ils viennent voir. Non, ils viennent en campagne, pas en ville, en campagne. En parlant de ça, je vais vous expliquer une petite anecdote. Ben, je vais vous raconter une anecdote. On ne fera pas d'improvisation sur les chansons parce que je suis rendu ailleurs. Je me rends souvent ailleurs, hein? Pas besoin de passeport. En parlant de passeport, je l'ai reçu, mon passeport. Oui. Oui, je l'ai reçu hier, mais il a sonné. Pas mon passeport, mais le facteur. Le facteur a sonné à 9h05. Moi, 9h05, là, c'est pas 21h05, c'est 9h05. Donc, c'est le matin. À 9h05, à quoi ressemble un erreur rénalien à 9h05 le matin? À rien. À rien. Du lundi au vendredi, à rien. La fin de semaine, c'est autre chose. Il ressemble à des affaires bizarres, mais tu peux pas parler à un erreur rénalien le matin. À partir de 10h, il tolère la discussion, parce que, bon, ça dépend si c'est une nouvelle campagne, si c'est une nouvelle rencontre, si c'est... Hein, il veut vivre, ouais, il m'a appris ça, l'erreur rénalien. Il veut vivre quelque chose qu'on appelle, puis c'est une chanson aussi de Marc Havet. Comment t'appelles ça, donc? Amoureux, mi-amoureux, semi-amoureux, amoureux, polyamoureux. Hein, polyamoureux, ouais, c'est ça, je veux vivre ça, moi. Pourquoi pas? Hey, on a juste une vie à vivre. Mais j'ai rien contre les gens qui restent avec la même personne pendant des années, comme mon personnage tout à l'heure, là, 55 ans, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, je l'applaudis. On l'applaudit. Mais polyamoureux, on passe à côté de bien des affaires, puis en même temps, quand on fait pas 55 ans, on passe à côté de bien des affaires aussi, là. C'est un choix. Alors, veux-tu être je vais vous le dire. Voulez-vous être dans le pluriel, dans le singulier, simple, hein? Parce que là, comment t'allais écorcher le mot pluriel? Pluralisme? Alors, nous vivons actuellement un pluralisme inquiétant. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est ton mot pluralisme. Non, on va regarder, on va prendre le temps de prendre le temps. Pluralisme. Moi, je dis que ça n'existe pas, là. Mais il y a tellement de choses. Pluralisme. Là, ils vont... Ça se peut que mon écran me donne un coup de poing. Pluralisme. Oui, pluralisme. Bon, c'est une philosophie suivant laquelle les êtres sont multiples, individuels, et ne donnent pas d'une réalité absolue. Tu bien ça? Hey, ça, j'aime ça. J'aime ça, la signification, là. Pluralisme. Ouais, pluralisme, ça, je le savais. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit pluralisme, là. C'est quoi une société pluraliste? Bon, ça, les questions de Google, là. C'est quoi? Le système pluraliste favorise la participation égale de tous les citoyens dans la sphère politique, économique et socio-culturelle de la nation. Ça, c'est merveilleux. Les riches, les pauvres, les gens... parce que, bon, on dit que, selon Marx, c'est pas compliqué, hein, il y a les prolétaires et les bourgeois, mais bon, là, on a amené une complexité, là, on dit, bon, les pauvres, hein, les riches, les gens de peu importe. Mais on a rendu ça complexe. Mais c'est ça, si tout le monde, l'amalgame de notre société, se collaborerait à tout ça, ce serait extraordinaire. Imagine, t'es curieux, t'as pas voulu faire une formation collégiale, universitaire, mais tu te retrouves avec un intellectuel. Puis quand il te parle, ça t'intéresse. Parce que la curiosité n'a pas de grade, n'a pas de grade éducationnel, n'a pas de grade intellectuel. Quand c'est intéressant, c'est intéressant. Quand c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Il y a des professeurs de philosophie qui sont extrêmement gourmands. Sont extrêmement intéressants, parce que je ne voulais pas dire intéressant deux fois. Captivants, ils sont très captivants. Il y en a d'autres professeurs de philosophie qui vont enseigner, exemple, Kant, Emmanuel Kant. Avec un, ça passe pas, puis avec l'autre, ça passe. Ça dépend si tu es un orateur ou pas. Bon. Si tu sais parler ou si tu ne sais pas divulguer la connaissance. Parce que ça, c'est un art de divulguer la connaissance. C'est un art de parler. C'est un art de s'exprimer. C'est un art de dire les choses, peut-être différemment, mais de les dire pour passionner le public, pour passionner le citoyen, pour passionner la personne que tu rencontres et que tu essaies de faire on sent que oui, c'est comme le oui, je sais, c'est moi, c'est comme je gonfle un ballon. Je le gonfle, il est beau, puis à un moment donné, je l'oublie, tu sais, ma lèvre le laisse partir sans le vouloir, puis il part, fini. Je commence bien, tu sais, les gens disent, hey, il a un beau parler, il a un beau discours, puis je m'affaisse. Mais ça, c'est nouveau, là. Je vais aller consulter. Ah oui, mais je ne vais pas consulter. Oh, non, aucun spécialiste. Je consulte moi-même, ma personne, moi. Moi, en tant que créateur. Qu'est-ce qui fait que depuis quelque temps, j'arrive pas à un continuum, hein, à poursuivre la discussion, l'improvisation. Mais c'est très récent. Ça fait quoi? 2-3 minutes. Avant ça, c'était pas de même. Ça fait que c'est pas si problématique. N'est-ce pas, docteur? Baby, La lune a mis son voile. Il va pleurer demain. Derrière les nuages se cache du chagrin. Tu te sens comme une âme, un âme. Tu te sens comme un âme habillée en pierrot. T'as le cœur en tzigane et la vie en sanglots. Tu peux pleurer, Pierrot. Tu sais, la vie, ce n'est pas facile. Tu peux pleurer, Pierrot. C'est difficile, mais c'est beau. Tu peux pleurer, Pierrot. Il y aura des soirs de clair de lune qui reviendront bientôt faire sourire tes grands yeux pleins d'eau. On est tous des pierrots quand nos soleils nous laissent. Qu'on soit grand ou marmot, on rêve à la tendresse. Les hommes sont des femmes qui ne pleurent jamais. Ma chanson les désarmes, ma chanson leur permet. Tu peux pleurer, Pierrot. Tu sais, la vie, ce n'est pas facile. Tu peux pleurer, Pierrot. C'est difficile, mais c'est beau. Tu peux pleurer, Pierrot. Il y aura des soirs de clair de lune qui reviendront bientôt faire sourire tes grands yeux pleins d'eau. C'est une chanson de Jean Lapointe. Mais c'est bizarre, hein? Ça... Je la connais, la chanson, là, mais... La lune a mis son nouveau... La chanson, c'est... Tu peux pleurer, Pierrot, tu sais la vie, ce n'est pas facile. Tu peux pleurer, Pierrot, c'est difficile, mais c'est beau. Tu peux pleurer, Pierrot... On est tous les... En tout cas, les paroles, je ne suis pas certain. Là. Je les connaissais à l'époque, mais aujourd'hui... Ah, ben écoutez, on peut vérifier. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ah non, peut-être c'est une arnaque, là. Hein? Ah oui, c'est une arnaque. Cliquez là pour avoir rien. Non, mais en tout cas, c'est un texte... ce qui m'a accroché d'une manière étrange, c'est quand il dit « Les hommes sont des femmes qui ne pleurent jamais. » Ah, c'est peut-être vrai. C'est peut-être le texte original. Alors, je n'en doute point. Alors, c'était « Tu peux pleurer, Pierrot ». Jean Lapointe a écrit, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a collaboré, comme toujours, là. Mais c'est pas indiqué. Ouais. Jean Lapointe est né le 6 décembre 1935 et mort le 18 novembre 2022. Full of change. Think that you've worked it out.

Aujourd'hui, je reçois un auteur, compositeur, interprète, Pierre Fa, mon ami, et la chanteuse Clémentine. Donc, voici Pierre Fa, l'incontournable Pierre Fa, et Clémentine, à vous, mes amis. Rénald et Clémentine, donc. Bonjour. Rénald qui vient d'arriver à Paris. Ouais, je suis arrivé samedi. Ah ouais. Donc, Avec le Muppet Show ici. Oui, exactement. Et quand même, en 3 jours, j'ai fait 9 rencontres. Déjà. Ah, ah, c'est pas mal. Ah, oui. Donc, Claude Lemel, j'ai vu. Ouais, hier. Je suis allé le voir chez lui. Ouais. Et aujourd'hui, il quitte pour Montréal pour faire un spectacle dans une salle où on compte à peu près 85 à 100 personnes. Bon, donc, d'accord. Il prend 3-4 jours pour se pratiquer, pour se mettre des paroles en bouche. Il fait son spectacle. Il va faire aussi Radio-Canada avec Monique Giroux. Oui, ah, qui est toujours là, ben oui. Une institution. Ben, faut faire attention parce que Monique Giroux, on lui a enlevé beaucoup d'espace. parce que la francophonie perd ses ailes un peu ah bon? À Radio-Canada. Ah bon, tiens, d'accord. Ça fait 8 ans que tout est à la baisse, parce que la francophonie... D'accord. On avait l'impression que c'était un bastion de la francophonie très fort. Radio-Canada, ben non, parce que ça représente le Canada. Ouais, d'accord. Donc le Canada privilégie la langue anglaise. Bon, ok. Même s'il y a 3 réseaux de radio d'État, ouais. Ils ont coupé à 2, c'est vrai. Et avant ça, on avait la musique classique, après ça, on avait la radio parlée, et on avait la radio culturelle. Ouais. Et là, ils ont enlevé la radio classique pour la placer dans lycée musique, c'est-à-dire que c'est de la musique de tout genre. Et puis, il reste encore Radio-Canada où c'est un peu plus parlé. Oui, d'accord. Bon, ce système ouais, d'entonnoir et de fusion, ça arrive aussi en France, en Suisse, ailleurs. Mais c'est dommage. Ouais. Tu as été au Canada déjà? Non. Ni personnellement, ni artistiquement? Non, jamais. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, je peux dire que j'ai rencontré artistiquement Clémentine dans une petite maison d'un quartier de Tokyo qui s'appelle Shimokitazawa, où un ami, Nobu, m'a montré ses albums et m'a offert l'heure d'été. Et c'est comme ça que j'ai connu Clémentine la première fois. Donc lié à un souvenir affectif très précis et à un endroit très précis. Et donc c'est dans ma Japanese Connection que j'ai connu Clémentine. Voilà. Et on s'est connu par Thierry. Ensuite, voilà. C'est-à-dire qu'après, exactement. Après, bah, tu sais, dans mon métier de journaliste, évidemment, je travaille avec des attachés de presse. Parmi ces attachés de presse, un jour, j'ai parlé de toi avec Thierry. Je ne sais plus pour quelle raison exactement. Il m'a dit, oh, mais je connais bien Clémentine. On travaillait pas ensemble, on était amis, on travaillait pas ensemble. Voilà. Et après, on s'est connu. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, sur un laps de temps assez long. Oui. Et bon, voilà, tu vois, il y a un moment où les choses arrivent. Une dizaine d'années. Oui. Ok. Ouais, ah oui, 10 ans, moi j'aurais dit plus que ça, 15 ans, non? Peut-être. Je sais pas. Ah oui. Moi je dirais. Oui, t'as peut-être raison, tu sais, c'est peut-être 15 ans. Hein. Ouais. Peut-être 15 ans, c'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas eu. Rien ne s'est pressé. Ça... Mais tu sais, rien. Mais c'est-à-dire que Clémentine était extrêmement occupée à faire album sur album au Japon. Oui. Qui est... Vous êtes 2 par an. Oh, ouais. Donc tu restais au Japon? Non, j'étais en France, mais j'allais tout le temps. Ok. Donc voilà, et puis du coup, et puis comme je faisais rien en France, je faisais quoi au Japon. Et depuis que j'ai décidé de faire quelque chose en France, du coup maintenant on travaille ensemble. Il avait déjà écrit pour moi, mais je sais pas. Voilà, maintenant on bosse ensemble. Mais au Japon, tu chantes en français. Ouais. C'est ça qu'ils aiment. Ouais, exactement. Mais c'est quand même assez spécial d'être connu dans un pays, non pas dans le sien. Hein. Mais ça arrive souvent. Bah, ça arrive souvent, moi c'est vraiment spécial parce que les gens ils sont quand même connus dans leur pays, moi je suis inconnue, enfin maintenant quand même un peu plus parce qu'on fait des trucs, mais c'est vraiment que là-bas quoi, c'est bizarre. Oh, c'est ça, c'est comme Éric Vincent, tu connais pas Éric Vincent? Je ne connais pas Éric Vincent. Non, mais Éric Vincent fait des tournées aux États-Unis. Ah oui? Il est connu aux États-Unis et là il fait son spectacle d'Asie parce qu'il est, je pense qu'il a 70 passés. Donc il a décidé, il a fait toute sa vie en des français, spectacles aux États-Unis. Chante en français? Chante en français. Il a 8 albums à son actif. Il est un grand ami de Moustaki. Ah oui. Il a travaillé avec lui. Il lui a écrit de la musique. Puis il est méconnu ici en France. C'est vrai. Ah ben oui, c'est la première fois que j'entends son nom. Et il habite où? Il habite, à côté, ben, où Moustaki habitait. À l'île Saint-Louis. Oui, mais sur des pilotis. Oui, mais dans. Il est Saint-Louis. C'est ça, un bateau. Là. Ah oui, d'accord. C'est ça. Oui, exactement. Ah ouais. Exactement. Et là, il fait sa tournée d'adieu cette année. Ah, c'était amusant, j'irai voir. Et puis là, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'il donne sa date à un endroit, dans les 2-3 jours, tout est plein. Voilà. Il fait beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, beaucoup de. Et c'est quel genre de musique? Oh, c'est guitare-voix, c'est auteur-compositeur et après. D'accord. Voilà. Chanson française. Oui, uniquement francophone. Ouais. Ouais. Et c'est fou, ben, c'est comme toi. Alors oui, mais je dirais que Clémentine, tu as chanté aussi en brésilien. Ah oui, je chante dans plusieurs langues. Et j'ai fait des albums avec des Américains, des Brésiliens, voilà. Oh, c'est oui. Assez international. Enfin, c'est très international. Ok, c'est très hétéroclite. particulier. Oui, et intentionnel, parce que on était à la New York quand j'étais au Brésil, à Rio, enfin. Ah oui, ok. À la radio, on le voit bien, là, à l'antenne, oui, oui, comme ça. Moi, je l'ai amené un disque, je sais pas si je lui donne, mais tu sais, c'est le quel t'en fait-il. Mais bien sûr. Du coup, je l'ai amené. Bonjour. Je prends un Carvitel. Ça, c'est un. Okay. C'est le dernier album. Ensuite, s'il vous plaît, messieurs. Moi, je voudrais le bruant, s'il vous plaît, avec un thé et voilà, et un croissant. Ok, ça marche. Et moi, je vais prendre un bruant aussi. Allons-y. Avec quoi on boit son chaud? Chocolat chaud. Chocolat chaud, d'accord. Donc ça, c'est un album qu'on a fait en France, pour la France et le Japon. Et c'est sorti il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans, en 2021, en mai 2020. Et c'est des chansons, des vieilles chansons françaises qui sont arrangées en latin jazz. Ok. Et très sympa. Oui, parce que le choix de chansons aussi est très original. Oui, il y a une chanson de Gainsbourg qui n'est pas connue, il y a des chansons pas connues. Il y a des titres de Jean-Yann. Oui. Et un vrai exercice de diction, hein. C'est des présoxypropagandes violentes. Oui, c'est ouais. Simple, il est sympa. Ah, tu l'as déjà rencontré? Non. Okay. Il dit rien, mais il est mort depuis longtemps. Hein. Oui. On aurait pu le croiser, mais je ne l'ai jamais croisé. Non. Il est mort il y a combien de temps? En 80, fin des années 80. Ah bon? Ah ouais. Non. Non. Plus tard. Continuez, je vérifie. Ah ouais. Fin des années 80, je ne sais pas. La chanson de Gainsbourg, c'est pas le mambo du légionnaire? Non, ça c'est Jean-Yann. Mip. Ça c'est Jean-Yann, ouais. Je n'attends rien des mégaphones, rien des sociétés secrètes de Jean de John, collectionneur d'allumettes. Je n'attends rien du ciel qui donne des sauveurs de superettes, plus rien d'iPhone, des professeurs qui s'inquiètent. Là où tout son pas apparaît dans son appareil, tu vois, je l'ai un briseur, ta leçon de la chair prise. Je n'attends rien du pain, ta gonne des joueurs de clarinette, ni de Simone, des amateurs de crisette. Rien des danseurs de Charles, tonnes de chanteurs et des clodettes qui s'époumonnent, des jolis cœurs de la fête. La route sous même pas apparaît dans son apparat, tu vois, je l'ai imprise, ta leçon de lâcher prise. N'attends rien des gens qui sonnent des vendeurs en la sauvette, sans quoi la sonne, agitateur, girouette. Là où dessous mes pas apparaît dans son apparat, tu vois, je mets un prise, ta leçon de la chair prise. Je n'attends rien des mégaphones, rien des sociétés secrètes du chant de John, collectionneur d'allumettes. Même de toi à qui je donne des ciels de feu, des paillettes, je me raisonne, je n'ai plus peur. Cherche encore. Non, celle de Gainsbourg, c'est la vie qui fait chic. Je la connais pas. Ouais, créée par Michel Mercier. Oui, elle chante. Ouais, c'est Michel Mercier qui la chantait. Ah oui. Son seul disque, je crois. Il est mort le 23 mai 2003, Jean-Yann. Ah, mais c'est quand même récent. Il n'y a pas si longtemps. Ah non. Enfin, il y a longtemps, mais pas si longtemps. Mais non, mais... Ah ouais, dis donc. Non, parce que j'avais des souvenirs de le voir dans des émissions. Non, mais à mon avis, il y avait beaucoup d'alcool et de cigarettes. Et voilà, donc, Mais je crois qu'il est mort quand même à 70 ans. Oui, par là. Bon, ouais. Enfin. Mais il a écrit quelques chansons assez amusantes dans ses films. Et donc oui. Là, le Crésoxypropanédiol oui, sur l'album. Qui et est, le Mambo du Légionnaire, ouais. Dingue. Ah ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'était amusant d'aller chercher ces chansons et de leur donner une seconde vie. Et ces disques-là, comment tu as voulu faire là moi, j'y suis pour rien. Là, j'y suis pour rien. Ça, c'était avant, okay, ouais. Okay, là, avant votre rencontre. Là, c'est que des chansons, des covers. Ok, en fait, ok, hein, ok. Mais quelle couleur tu voulais lui donner en travaillant avec? Ah, mais Clémentine, elle a sa couleur, hein, déjà. Bah, en fait, il fallait qu'on se connaisse pour qu'il écrive. Ouais. Oui. On ne peut pas écrire pour moi. Comme... Avant, c'était ma mère qui écrivait pour moi. Donc, c'était très personnel. Et après, il n'y a eu rien. Moi, avec Fabrice, mon mari, mais c'est pas pareil. Et lui, il sait qui je suis, il écrit pour moi, ça me va très bien. Est-ce que ta mère écrivait uniquement pour toi ou Non, que pour moi. Ok. Et à quel moment vous vous êtes joints, vous deux? C'est parce que tu savais qu'elle écrivait, elle écrivait déjà? Elle écrivait déjà, elle avait vachement de talent. Elle faisait des poupées quand elle était jeune, elle peignait, elle écrivait pour moi. Enfin, faisait plein de trucs, mais très bien. Et les Japonais, ils aimaient beaucoup sa façon d'écrire. Ok. Et après, il y a eu un manga, c'est vide, et après toi. Et toi, tu sais. J'essaye. Ça me va très bien ce qu'il écrit. Donc, je suis très contente parce que c'est vachement difficile. On m'a proposé d'écrire pour moi. Il y a eu, Léonard Lasserie, avec Elisa Point, ils voulaient me faire des albums. Je voulais pas. Ça me parle pas. Mais c'est difficile aussi de travailler avec Pierre. Parce qu'il est occupé. Il est très occupé. Difficile. Non, mais tu es vraiment un être occupé. Un être occupé, j'adore. Ah, bah ça, c'est sûr. Mon téléphone qui sonne occupé. Ouais. Non, je sais pas, ça dépend. Et puis, on est sortis des confinements avec tous des pages blanches dans la tête, ouais. Avec des nouvelles possibilités, avec des ouvertures. Il y a un moment où, effectivement, j'allais souvent faire des tournées avec Pepper Moon, etc. Bon, ben, ça, c'est terminé, c'est une page qui est tournée. Donc, il y a de la place pour plein de nouvelles personnes. Et effectivement, ce que je me disais de moi depuis longtemps, c'est que j'avais un certain angle de vision sur toi à travers la perception de mes amis japonais, à travers ce que j'avais absorbé dans ma sensibilité, et que je me disais, oui, tiens, c'est quelqu'un pour qui peut-être un jour je pourrais écrire. Ça, c'est quelque chose que je me disais depuis longtemps. Que tu m'étais veilleux. Mais je n'avais pas écrit, de texte. J'avais absolument pas abordé ce travail. Et puis. Après les confinements, juste avant Noël ou au moment de Noël, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a une première chanson qui est venue et qui a ouvert la porte, qui a tourné une clé dans mon esprit. Je me suis dit, ah, voilà, ça devenait plus concret pour moi. Et puis de fil en aiguille, on a un collier de chansons qui s'est présenté. Il y en a d'autres. Voilà. Du coup. C'est vrai, il y a la matière comme ça. Et ça s'est fait spontanément. Ben oui. Mais en même temps, petit à petit. Avec le confinement, il y avait comme un arrêt, donc après, il fallait ouvrir les valves. Ben, il fallait, ça s'est produit, quoi. Pardon? Répétez votre commande, s'il vous plaît. Donc, j'ai un quart d'huile, hein, et c'est deux brûlants. Ouais, des brûlants, oui. C'est ça, ouais, avec un chocolat chaud. Et un thé. Et un thé, d'accord. C'est quoi les brûlants? C'est un petit déjeuner où tu as une boisson chaude, un jus d'orange. Un petit déjeuner complet, quoi. Et oui, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le personnage de Clémentine, c'est que je trouve qu'elle a un grain de folie. Un grain de fantaisie qui n'apparaît pas tout de suite parce que... Écoute à toi aussi, hein. Ah ouais. Et qui est pareil, qui n'apparaît pas tout de suite. Mais, bah oui, mais quand on a nos psas, on a nos petites réserves. Nos petites gènes. Mais Reynald, il sait que je suis... Oui. Il sait que je suis fou. Mais c'est bien. On peut retrouver aussi dans des goûts pour des auteurs... Boris Vian ou Cortazar, que je t'ai passé avec Cronop, etc. Une certaine forme de surréalisme, comme ça, un héritage de surréalisme que moi je sens assez fort et que j'ai envie d'exprimer et que je trouve que sa voix porte bien ça. Voilà. Et et donc, ça, comme je te disais, en sortant du confinement, tu avais tellement de choses à écrire parce que... C'est, non, mais alors, c'est les personnes qui me font écrire maintenant. Oui, okay. Je pense pas que tu écris comme ça. Ça vient quand t'en... Enfin, comme ça. Enfin, mais c'est pas... par rapport à toi. Oui. Ou c'est par rapport à Amandine, à d'autres gens. Oui, mais tu sais, je pense que juste pour moi seul, en fait, j'ai fait un peu le tour de la question. Et à force, si je fais juste tout, ça devient un peu consanguin, ça tourne en rond. Alors qu'avec une personnalité qui a ses facettes, qui a ses couleurs, là, je peux réagir à ça, raisonner avec ça, ou trouver des mots. En fait, tu te mets en mode... En mode de l'artiste avec l'artiste. Ben, j'essaye. Ouais. Oui, c'est ça que c'est. Je réussis pas toujours. C'est comme ça que ça colle. C'est un essai à chaque fois. À chaque chanson, j'essaye. Mais si tu vois que les chansons ne collent pas vraiment avec l'artiste, est-ce que tu la gardes et tu la proposes à un autre moment? Écoute, par exemple, il y a le cas de figure d'une chanson que je t'ai proposée qui s'appelait Jazz. Et tu m'as dit que tu sentais pas le texte, etc. Eh bien, en fait, j'ai enlevé le texte et je suis en train d'écrire un autre texte. Et je ne sais pas pour qui ou pourquoi d'ailleurs, mais j'ai une autre idée qui est venue dessus. Parce que je pense que tu avais raison avec ce texte et qu'effectivement, il y avait un truc qui collait pas. Donc, c'est un travail très organique. Oui, des fois, il faut mieux le dire vite. Oui, c'est un travail très organique. Il y a une part de subjectivité qu'il faut assumer parce que c'est comme ça. Et c'est pas un bilan comptable, c'est pas quantifiable. Il y a des goûts, des dégoûts, voilà, des sensibilités des uns et des autres. Donc c'est comme ça. Jamais à forcer une chanson chez quelqu'un, ça ne marche pas, ça non. ne sert à rien, non, ça non, marche tu pas. Tu peux pas la défendre. Voilà. Effectivement, c'est dur de défendre quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Ben non, ça ne marche pas, non, ça ne peut pas. Ça peut pas exister. Enfin. Et puis toi, Clémentine, lorsque tu as commencé à faire des chansons là-bas, à quel moment ça s'est déclenché? À quel moment tu as vu qu'il y avait quand même un petit trésor à... Mais non, mais c'était tout de suite eux, c'est eux qui sont venus, qui ont m'entendu. Ok. C'est eux qui sont, parce que j'ai commencé en France. Okay. Et c'est eux qui m'ont entendu, j'étais tout jeune et ils ont aimé ma voix et hop, Sony m'a proposé un contrat. Donc c'est vraiment eux avec ce timbre. Ah oui, c'est ça, c'est, ah, c'est ça. C'est mon premier album qui est sorti au Japon. Mon premier album qui est sorti au Japon, qui a très très bien marché. Ok. C'était premier dans le Sony Journal. Il y avait Len Merrill après moi et moi de. En Bravo. Première truc des ventes, et du coup Sony a dit attends, il va faire pas que du jazz, mais ils ont ouvert le public du coup, et voilà. Mais toi, quand même, c'est une autre mentalité, une autre façon de voir le monde. Et c'était une aventure, ils m'ont demandé ce que tu veux, je dis oui. Mais est-ce que tu t'es rapidement amalgamé à l'endroit, est-ce que tu t'es... Je sais pas, je me suis fait aucune idée, je suis allée la première fois avec mes parents. Ok. Mon père, il était grand amateur de jazz, donc il était allé à Tokyo, il est revenu avec plein de vinyles, de jazz. Et je sais pas, Sony c'était cool, c'était... Enfin voilà, je suis travailleuse donc je me suis mise à... Parce que le japonais c'est... Oui, oh, oui, ça, on a fait... Alors t'as-tu voulu apprendre la langue rapidement pour... Non, okay. Au début non, parce qu'il parlait anglais, donc ça allait. Puis après, peu à peu, oui, j'ai commencé à parler un peu et tout. Parce que tu parles plus en français ou anglais, mais ça va. Alors, ben toi, c'était plutôt pour le respect du public que tu voulais... Ben, je parle un peu en japonais, enfin, je parle un peu en tout sur scène, donc... Mais ils aiment bien ce côté français, de toute façon, le japonais. Ouais, ouais. Ouais, je pense que si je parlais japonais, que si j'avais vécu au Japon, je sais pas si j'aurais eu la même carrière. C'est vrai. Ça aurait été différent. Oui, il faut que tu sois leur... On aurait peut-être vu à la télé, mais ça aurait été plus... Il faut que tu sois leur amie française. Là, je suis exotique. Je suis exotique. Mais ensuite, il fallait toujours alimenter, faire des chansons. Trouver... Ben, on a fait tout le temps avec des Japonais. C'est des Japonais qui ont écrit pour moi. Okay. Des Japonais connus de l'époque qui ont fait les musiques et les mamans faisaient les paroles. Et puis toi, tu t'es lancé là-dedans avec une grande joie. Ouais, naturel. Ils m'ont dit, tu veux ? J'ai dit oui. Bah oui. Bah, tu parles. Puis Sony, c'était l'époque où ils avaient du fric et tout ça. On a fait des trucs super avec un argent. On faisait des clips, des machins. Et vas-y, on allait au Brésil deux fois. Partout au Brésil, à New York. On allait à Essaouira avec toute l'équipe japonaise pour faire des photos. C'est dingue. En tout cas, tu vois maintenant, tu te dis, mais ils sont malades. C'était les photos de les voyages ? Je me demande, c'était quoi Essaouira ? Je sais même plus. Quel album c'était. Mais t'imagines l'équipe du Japon pour aller au Maroc, ouais. Sans place à faire, enfin n'importe quoi. Il est pensé, c'est tellement différent maintenant, tu vois, c'est drôle. Sony Japon, c'était les rois du monde. Ah, mais à quel moment tu as vu qu'il y avait un engouement? Est-ce que c'est dès le début? Tout de suite. Ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite, j'en ai mis ma voix et tout de suite. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune française. Il y avait Françoise Hardy avant, il y a longtemps avant. Il y avait une place que j'ai prise. Quoi. Mais est-ce que avais-tu une frustration de ne pas être connue ici puis, Non. Tu t'en foutais? Non, je m'en foutais complètement parce que j'avais pas voulu faire. Donc j'ai... Et après, quand j'ai décidé, mais... Mais pourquoi t'as décidé? Parce qu'à un moment donné, t'étais... Parce qu'il y avait le Covid, parce que ça s'est calmé, parce que j'avais plein de trucs qui sont annulés du Japon. Du coup, je me suis dit, bon, m'en vais. Et puis, comme toi, tu vois, j'ai fait autre chose. Okay. Du coup, moi, c'est un chocolat japonais. Commande. Oui, c'est long. Donc, j'ai décidé tard, hein, mais parce que j'ai décidé. Ouais. J'aurais pu ne rien décider aussi. Mais comme tu as le feu sacré, tu as toujours voulu rester sur scène, parce que ça doit être un moment où tu te sens à l'aise sur la scène. C'est... Moi, je pense que mine de rien, quand même, la musique te manquerait si tu l'avais pas. C'est une partie quand même vraiment... Bah, c'est ma vie. C'est ça. J'ai commencé toujours. Ah, ouais. J'ai toujours fait ça. Très jeune, en plus. Oui, c'est sûr. Ah ouais, s'il y avait plus ça. Mais est-ce que tu travailles après un album au spectacle ou si c'est plus du tout la même façon de. Bah maintenant de voir... ça a changé aussi. Ouais, c'est ça. Là je vais avoir des scènes, là je vais au Japon au mois d'octobre. Il y a un hommage à Francis Lai. Ah ouais. Et comme mon gros tube au Japon c'est un homme et une femme, donc je vais aller chanter ce fameux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pars avec toute une équipe de Français et tout. Mais ici en France, tu prépares pas de spectacle? Non, mais c'est qu'on ne prépare pas le spectacle, c'est pas pareil. On va faire un album là, on sort des singles, on va faire un album. Après, on verra, on trouvera une scène. Mais c'est plus comme avant, t'as un tourneur, ça a tellement changé. La dernière fois, c'était au Bal Blomet, dans le 15e. C'était charmant. Bal Blomet, c'est une jolie salle à Paris, dans le 15e. Ah, je connais pas. Chic, très chic. C'est-à-dire, peut-être tu la connais pas, parce que ça a réouvert il y a quelques années, ça a été longtemps fermé. Et c'est une belle scène jazz maintenant, ouais. Au fond un mur de briques, c'est inhabituel, ça fait un peu plus New York ou un peu plus Berlin comme ambiance. Un peu comme ambiance. Le New Morning, Mais c'est plus cosy que le New Morning. Oui, okay. Le New Morning fait un peu plus rock. Oui, là c'est plus luxueux. Okay. Et puis c'est dans cette salle-là que l'on peut voir des artistes un peu oui, plus... Oui, de tout. Okay. C'est plus de jazz. Ouais, disons pour le jazz à Paris, t'as le Sunset Sunside, et bon, maintenant il y a le Bal Blomet, quoi. Voilà, qui est vraiment un autre pôle important, avec Jazz Magazine, avec... Mais toi, Pierre, est-ce que tu dois réajuster ton écriture lorsque tu fais une chanson bossa nova, une chanson jazz, blues, rock, j'aurais peut-être plus de mal, mais je trouve que assez spontanément, je peux capter quelques petits accords comme ça. Ce que je fais, ça reste de la chanson française, mais avec des petites influences. Parce que les accords, ils sont pas basiques, hein. Oui. Bah oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bien. Ouais. Oui, j'aime bien ça. Bah, c'est l'héritage de Scheller, Chamfort, tout ça, bien sûr. Oui, beaucoup. Véronique, Michel, ouais. Tous nos amis. Serge. Ah oui, Serge, oui. Et puis même tu as rendu hommage à ça. Mais oui, ça aussi c'est un produit des confinements. Oui, c'est vrai. Ouais, oui. Bah, j'ai beaucoup aimé le faire, surtout avec Michael, parce que c'était, on avait une espèce de complicité, on l'a fait très très vite. Et on apprend toujours quelque chose en fait en faisant des reprises, parce que longtemps je voyais pas trop l'intérêt, moi, pour moi, d'en faire, ne me considérant pas comme chanteur. Et en fait, en le faisant, bah, j'ai compris des trucs pour me rendre service en tant que chanteur, c'est-à-dire pour pas me mettre en danger et pour voir comment une mélodie peut être bien adaptée pour une voix, etc. Donc ça m'a appris des choses de le faire, vraiment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as creusé des chansons pas très connues de Gainsbourg. Ah. Oui, comme la fille Chic Chic sur pour l'album de Clémence. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai. On dépoussière un peu, on dépoussière, on cherche les perles à travers... Oui. Moi j'aimais bien Rêves et Caravelles, par exemple, c'est une chanson, c'est une valse, c'est vraiment méconnue qu'il avait donnée à Michel Arnaud, qui est une chanson assez curieuse, parce qu'il a fait ça en 69, elle est vraiment assez anachronique en 69. Et je lui trouve un charme désuet, tu sais, comme un poster vintage pour Air France, un truc comme ça. Et j'aime bien ce genre d'antiquité. Voilà. Qui reste encore malgré les années. Ah bah oui, puis Gainsbourg ça reste. Ah ouais, c'est ça, oui. Thank you. As-tu beaucoup de projets, Clémentine, depuis que Pierre on fait des singles, donc ça nous... On travaille les réseaux sociaux beaucoup. Okay. J'ai quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est énorme. Donc, voilà, on fait des singles jusqu'en décembre, et après on fait un album. On fait un album Japon-France. Okay. Je vais faire des duos avec des chanteuses japonaises à l'époque de la City Pop. Je ne sais pas si tu connais City Pop. Voilà. Donc on va faire 3 duos City Pop, arrangés par Alban La Simone. Super. Oh, que j'ai rencontré. Donc on va lui balancer le truc déjà. Il a dit c'est quoi City Pop? Il était comme flippé. Très bien. Il est OK. Bonne nouvelle. Et puis des chansons de Pierre Fa, originales. Donc voilà, c'est un disque City Pop Pierre Fa, original. Et une reprise, enfin, l'été, une chanson. Excusez-moi, je suis sûre que ça a pris un petit peu de temps. Pas de problème, pas de problème. J'ai aussi oublié sa carte d'identité dans mon... Il a son droit de français. Ah, sud, à l'oral. Ah non, mais là, je suis complètement paniquée, donc je suis désolée. Là, c'est l'oral. Je viens avec les oranges passées. Merci. À l'oral. Mais déjà là, trouver Albin de la Simone, parce que lui, il est occupé... Il est hyper occupé. Oui, c'est ça. C'est on se connaît du Japon parce que j'ai fait des concerts. Il a fait une première partie il y a 2 mois, il y a longtemps, au Japon, avec Matthew Bogard. Ah oui, ben oui, ben oui. Qui est rendu Matthew Bogard en Angleterre. Ah oui, c'est ça, il habite... Ouais, parce que j'ai voulu le rencontrer, puis je pouvais pas. Ouais. Et donc, il a fait... Voilà, donc je connais Albin, et il est sympa comme tout. Il s'entend très bien avec mon manager japonais. Et puis, il aime ma voix, donc voilà. Donc, c'est le truc, le mec, il est sympa, il est sain. Parfait. Il est carré. J'ai beaucoup aimé son dernier album. Oui, j'ai écouté. Et sa chanson, elle est bien, là, les 100 villes, la 1000 villes, elle est bien, la chanson. Oui. Et tu vois, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un garçon délicat, qui avait du style, qui avait des bonnes idées. Et là, je trouve qu'il a trouvé un placement vocal dans les derniers albums, dans les dernières années, et encore plus sur le dernier, qui lui va super bien. Mm. Et voilà. C'est vrai. Au tout début, il chantait plus haut. Je vois très bien de quoi je parle, parce que j'ai fait tout à fait ce genre de choses. Et là, c'est plus posé, c'est plus ancré, c'est plus enraciné, c'est plus chaleureux. Mais l'écriture aussi, elle s'est transformée. Bien sûr. Mon épaule a été, je crois, la chanson charnière, la transformation. Et voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Entre l'ancien Albin et le nouvel Albin. Ouais. Puis, il a aussi un univers à lui. Ah oui. Il a travaillé avec Souchon et c'est là, je crois, que... ça lui a permis de vouloir lui aussi se présenter au public. Et puis avec Vanessa Paradis aussi. Oui, et Carla Bruni, il a fait tout un album à Carla Bruni. Absolument. Carla Bruni. Ah, Carla Bruni. Il a fait un album en entier. Pas mal d'ailleurs, j'ai écouté. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'elle, sur cet album, elle n'avait pas une mélodie aussi énorme que quelqu'un m'a dit. Voilà. Mais en tout cas, les arrangements, le travail de Vanessa Simone, c'est très bien. Il y a des belles textures de son, c'est poétique, c'est jamais clinique, il y a toujours des belles textures. Il est très fin dans sa réalisation, c'est vraiment... Tu as un petit bout de... Il travaille à l'ancienne, il n'a pas un home studio, il travaille à l'ancienne, il va à un studio... S'il peut, c'est tant mieux pour lui. Oui, s'il peut, c'est moi qui vais produire, donc on va le calmer. Ah, c'est toi qui produis? Ouais, c'est moi qui produis. Ok. Donc on va voir un peu ce qui va me sortir une semaine de trucs. Ouais, c'est moi qui produis. C'est moi qui produis cet album aussi. Ok. Voilà. C'est distribué par Sony au Japon et tout, mais c'est moi qui... Et le prochain, on va voir, peut-être que Sony va se mettre aussi un peu, ça les motive l'histoire des japonaises là. C'est ça, un peu les... une bonne idée. Hein? Mais c'est pas trop difficile de produire un disque aujourd'hui, c'est pas casse-gueule? Je sais pas, c'est pas casse-gueule, c'est amusant, moi j'ai jamais fait ça. Okay. Première fois que je fais ça, donc moi ça m'amuse, c'est tout nouveau. On a une équipe super bien, on a un label, on a un distributeur, on est distribué par Vagram, donc c'est bien. Oui. Non, ça va. Après, on gagne pas d'argent. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, voilà. C'est toujours une loterie, quoi, c'est-à-dire que... On a toujours le moment où une chanson prend son envol, des fois on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais toujours est-il qu'il faut les faire. Si tu fais rien, il ne se passe rien. D'accord, donc je fais. Mais avec les années, tu sais beaucoup plus comment l'industrie fonctionne, donc tu vois un peu comment diriger. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si tu te bases sur avant, ça ne sert à rien. Il faut se baser sur rien du tout, tu fais comme il faut faire. Il faut faire avec les réseaux sociaux. Bah oui, sinon, c'est les réseaux sociaux, c'est tout. Enfin voilà, on est à fond dedans. En fait, il n'y a plus tellement de règles. Non. Plein de choses ont explosé, donc c'est vrai qu'il faut suivre son instinct. Oui, et puis suivre ce qu'il faut faire aussi, en suivant son instinct. Mais oui, voilà, si c'est tu fais pas les réseaux sociaux, c'est pas possible, tu peux pas ne pas faire. Je déteste ça, les réseaux sociaux, mais t'es obligé. faire des ces trucs et vas-y, des stories, des réels. Et... Mais est-ce que c'est toi qui gères, non? Non, je fais gérer. Okay. C'est une nana qui s'occupe de ça. Mais bon, je fais quand même des stories moi-même personnelles, parce qu'il faut que ça soit. Faut qu'il y ait une touche. Mais bon, la réaction aussi des gens. Ah, qui s'occupe de tout, bah oui, c'est chiant à faire, hein. Programmer, c'est mortel. Oh. Oui. Mais t'es obligé de faire. C'est le rythme qui est difficile à tenir. Parce que t'as des algorithmes, il faut nourrir la bête. Oh, oui, c'est ça, c'est vrai. Et tu la nourris pas après. Ouais. Elle t'oublie. Ah, c'est vrai. Donc c'est horrible, hein. C'est vraiment. Mais en même temps, c'est pour ça que quelqu'un doit vraiment s'en occuper et il doit. Ouais. Ah oui, puis j'ai pas envie de le faire, c'est chiant. Non, mais c'est vrai, hein, c'est, t'aimes pas faire, t'aimes faire. La seule chose que j'aime bien faire, c'est partager des photos. Oui, ça c'est autre chose. Parce que j'aime bien faire des Polaroids, j'aime bien faire des images comme ça. Et ça, j'aime bien effectivement les partager. Voilà. Mais faire la promotion de ma personne, ça j'aime pas du tout. C'est dur. Hein, il y a des gens qui sont très doués pour ça, qui ont pris un prix naturel, qui le font avec humour, avec les jetés. C'est très bien, tant mieux pour eux, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais le système en changeant, est-ce qu'il a fallu toi-même modifier un peu ta vision du show business? Bah, t'es obligé de te modifier, sinon t'es sur le quai de la gare, quoi. T'as ton train, c'est bon. Ouais. T'as pas le choix. Ou tu le fais comme ça, ou tu le fais pas. Moi, ça me gêne pas parce que c'est autre chose. C'est une autre façon de bosser. Comme moi, j'avais jamais produit, donc maintenant, moi, je me rends compte. En plus, je bosse maintenant avec les amis de mon fils qui me font les clips. Ils ont 23 ans, tu vois. Ah, ouais. Donc, c'est Mathias, c'est un Coréen, moitié Coréen, qui m'a fait le dernier clip. C'est lui qui va faire d'ailleurs au personnage. Et d'ailleurs, les paroles, elles sont bien. Les que t'as changé, c'est beaucoup mieux que ce qui est dedans. On continue, okay. On est tous d'accord pour. Parce que le prochain Cigone, c'est lui aussi. Et donc, je travaille avec des jeunes, c'est vachement sympa. Des jeunes de 23 ans, voilà, on est une équipe avec. Voilà. Comme moi, quoi. Mais oui, c'est ça. Voilà, à peine 19. Oh là là, oui. Hein. Quand j'ai rencontré Clémentine, j'étais mineur. Mais ça, oui, mais voilà, ça, c'est... Mais ça, on ne doit pas en parler. Non. Ah bah non. Mais donc voilà, c'est amusant en fait. En fait, il faut s'amuser. Oui. Moi, c'est ça mon truc. Sinon, je m'amuse pas, je fais autre chose. Hein. C'est vrai. On s'amuse. C'est tout. Après, ça marche ou pas, on verra. Mais en même temps, travailler avec les jeunes, c'est se mettre au diapason d'une façon de faire. C'est parce que eux ont capté, ils connaissent le roi. Ils ne connaissent que ça. Ils ne savent même pas comment c'était avant, donc ils ne peuvent pas comparer. Ils sont là dans le truc. C'est vrai. C'est vrai aussi pour des auteurs, des compositeurs qui abordent la chanson d'une manière très très différente des gens de ma génération. Vraiment, ils considèrent pas du tout les trucs qu'on nous avait mis en tête. Le couplet doit arriver à tel moment, le refrain à tel moment, tout ça. Et ça peut marcher aussi. Et ça marche aussi, des fois, complètement. Ouais. Là, tu vois, Gilles Kaplan, j'ai vu son dernier clip, elle est restée il y a 30 ans. La nana, alors tu dis, mais vas-y, fais autre chose. Enfin, elle est un petit peu. Enfin, c'est un truc, c'est rock il y a 30 ans. Tu vois, t'en as qui arrivent pas. C'est des caractères. Ils veulent pas. C'est des caractères. Oui, c'est tu sais, t'as des gens, on pourrait dire aussi. Il y a des gens, ils peuvent faire une chose bien. Et ils se tiennent à ça. Ouais. On pourrait dire que, par exemple, Dick Angarn, qui est quelqu'un de talent, fait du Dick Angarn depuis 72. Ouais, c'est autre chose, Dick Angarn, que Gilles Kaplan. Ben, c'est un autre étage. Ah bah, tu m'étonnes. Étage. Ah bah, dans Solita, elle m'a dit que c'était un concert. C'était génial. Oui, j'aime beaucoup Dick Angarn. Ah bah voilà. Vous parlez de Dick Angarn. Ah oui, ben oui. C'est génial. Non, bah, lui, c'est... Mais toi, il fait la même chose depuis 50 ans. Oui, mais c'est un grand artiste. Dick Angarn fait la même chose depuis 50 ans. Oui, mais c'est un grand artiste. Mais il fait une même chose que j'aime, hein, c'est pas un reproche. Hein, mais c'est toujours guitare. Oui, mais c'est très bien. Oui, moi j'aime bien quand j'adore. J'adore. Aussi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas pour finir, ça reste. Mais c'est ce qu'on veut aussi. La facture, ouais. La bah ouais, c'est ça. Ce qu'on veut. T'imagines s'il faisait un truc. Il a un truc qui est tellement singulier, et voix, fort, et présent. Puis la voix qu'il a, j'adore. Bah, c'est comme Arnaud. Arnaud avait un style, il n'y a jamais dérogé. Il faisait du Arnaud. Mais il était indescriptible, tu ne pouvais pas le placer. Bon, on a dit Tom Waits à un moment donné, on a dit qu'il un peu comme Arthur Ashe, on l'a comparé à Tom Waits. Oui, au début. Ouais, après, son identité. J'aime bien Arthur Ashe, d'ailleurs. Oui, mais depuis qu'il monte dans les aigus, c'est extraordinaire. Mais ça fait pas si longtemps que ça, là. Je crois que ça fait 3 albums où il n'a pas osé monter sur les aigus. Ouais, ouais. Avant, il restait avec sa voix grave. Ouais. Et là, ça a donné une autre modulation, une autre. C'est vrai. Bien, on dirait que son écriture a été modifiée, il a été plus féminin. Ça a cassé avec l'Arthur Ashe, un peu grognon, un peu. Du tout début, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et juste avoir changé le fait de chanter, ça a tout modifié. Donc, on peut dire que lui aussi essaye de voir ailleurs, il creuse encore ça. Mais il se développe bien. Hein. Parmi les gens en France, mais on en a parlé la dernière fois, je crois, enfin en France, des gens francophones, disons, Stéphane Eicher aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ah ouais, il est bien. Qui a un beau développement, c'est un arc temporel comme ça qui est joli. Il ne déçoit pas. Chaque concert est toujours un peu différent, c'est toujours une proposition. C'est pas incohérent non plus, mais c'est toujours différent. Mais il y a le parolier aussi qui est derrière, Philippe Jean. Mais c'est que lui qui fait tout le temps les paroles. C'est plus lui maintenant. C'est pas lui. Ah, c'est plus Philippe Jean. C'est plus maintenant. Oh, c'est mais qui? Des fois il fait encore. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'avant c'était exclusivement Jean. Okay. Ouais. Là, et sur un album, il peut en avoir deux, trois. Voilà, ça fait quelques albums qu'ils ont ouvert la porte. Et qui fait les paroles d'autres? Oh, il y a eu d'autres gens. Je me souviens qu'il y a eu une chanson écrite par Raphaël, qu'il y a eu des chansons. Ça dépend. Mais Raphaël, qui est vraiment pas connu au Québec, hein? pas du tout connu au Québec. D'accord. Il y a plein de chanteurs comme ça. Peut-être parce que. Florent Pagny est pas si connu que ça. Bah, il est connu ici en Val, mais c'est pas non plus. Enfin, il a eu une période, il y a 10 ans, il a 10 ans, 15 ans, où il a fait un truc qui a marché. Avec Caravane, en fait. C'est ça. Tout le monde se rattache. Maintenant, il écrit maintenant. Il écrit, non? Il fait des bouquins. Oui. T'as lu? J'ai pas très envie. Non, moi non plus. Donc, peut-être c'est bien, c'est pas. La vie dans le cœur des fruits qui bat si fort, revient et oublie. La vie diverse éblouit une feuille qui sort des cendres. Je dis mystère, cosmos infini, la terre. J'espère encore un quadri. I twist again sur la déchirure, les blessures. I twist again sur les ptérodactyles à Tchernobyl. Un petit peu, elle aurait mieux fait d'éviter le bras. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.